Alors pour commencer, peut-être nous souhaitions en fait revenir un peu aux origines du projet et peut-être d'abord connaître votre parcours avant l'expérience du Lion, la cage et ses ailes. Bon, en dehors de la carrière d'Armand Gatti, au fond l'équipe qui a lancé ce projet n'en est pas à sa première expérience d'écriture collective, ni à sa première expérience en vidéo. Donc ce serait Stéphane de revenir précisément sur votre parcours et ce qui a préparé l'expérience du Lion, la cage et ses ailes. D'abord, je crois qu'il faut dire que Gatti ne croyait absolument pas qu'on puisse faire une film avec les caméras vidéo qu'on avait à l'époque. Il regardait ça de façon inquiète, il trouvait ça des images troubles dans un bocal. Donc s'il était extrêmement, avait beaucoup de talent, il décrivait ce qu'on était en train de faire, il préférait pas parler de technique, parce que les techniques qu'on utilisait à l'époque l'effrayaient. Et donc Hélène, elle avait travaillé avec Carole Roussopoulos au moment où elle faisait Vidéo Out, et elle avait fait aussi un film sur les prisons. Et moi, j'avais pendant un an travaillé avec Ned Burgess, qui était un peu qui était aussi un peu avec Carole et Paul Roussopoulos, et qui lui était venu avec son matériel. Et donc moi, j'ai hérité de son matériel. Et donc pendant un an, j'ai appris avec lui, parce que c'était un excellent chef opérateur. Et donc j'ai appris à comment on pouvait servir de ce matériel, une utilisation extrêmement simple malgré tout. Et puis il y a le contexte technique, je dirais, et puis il y a le contexte politique. C'est vrai que, parce que j'en vois quelques-uns qui sont là, c'est que le fait qu'on soit allé à Montbéliard, encore à cette époque-là, tout se jouait dans les définitions politiques qui opposaient les gauchistes à la CGT, qui faisait que, par exemple, dans ce film, il n'y a pas d'image à l'intérieur de l'usine Peugeot, là où il y a les voitures. Parce que c'était complètement inaccessible. Donc en fait, toutes les images du film ont été qu'on a pu tourner, soit elles ont été tournées au cycle, soit on a été dans les endroits qui étaient marginaux, comme le lieu qui s'appelle Fort Lachaud, où étaient les émigrés, et où même les chefs de Peugeot n'entraient pas. Donc là, on était tout à fait tranquille pour aller tourner. Et puis, l'autre contexte politique était que... comme notre trajet était passé par le maoïsme, c'est vrai que moi j'avais été établi 2 ans, Gatti pendant 6 mois s'est établi à Berlin chez AEG, Hélène militait aussi, et c'est vrai que les impasses, disons, dans lesquelles on s'est trouvé en militant dans les mouvements ouvriéristes à l'époque étaient insatisfaisantes. Donc c'est vrai que pour tous les trois, ça a été l'occasion d'approcher la question de façon totalement différente. Avec, bon, c'est le côté que Gatti prend dès qu'il arrive là-bas en disant « un film le vôtre ». C'est-à-dire on va essayer, même s'il ne s'agit pas d'enregistrer des entretiens, etc. à l'infini, il s'agit bien de le faire avec eux. Donc c'est vrai que ce qui a déclenché le fait de faire des films, c'est qu'à chaque fois, il y a eu un porteur du film. Si c'était le Marocain, c'était Hajmi, si c'était l'Espagnol, c'était Bicent, etc. Et si je parle de ça aussi, parce qu'on pouvait rentrer dans l'usine si on avait l'appui des syndicats. Et donc c'est vrai qu'à l'époque, bon, quand nous on a voulu par exemple aller à un meeting de la CGT, j'étais pas là à ce moment-là, mais quand Gatti est arrivé, il y a eu un barrage de la CGT qui a dit « vous rentrez pas ». Ah, c'est un meeting, c'est ouvert, etc. Non, vous ne rentrez pas. Donc ils étaient fermes, puis à l'époque ils avaient quand même des services d'ordre. Donc il n'a pas essayé d'entrer, mais il y a quelqu'un qui est sorti de la ligne qui faisait front, qui était l'Espagnol justement, Ripollès, Bicent, et qui était délégué CGT, mais il était socialiste. Et donc il a dit, vous êtes dingue, pourquoi vous empêchez ce mec de rentrer, etc. Et donc il a pris Gatti sous le bras. Il ne l'a pas fait rentrer, hein. Mais il a dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors Gatti lui dit, oh, c'est peut-être parce que je suis un peu anarchiste. Comme son oncle était anarchiste, l'oncle Salvador, donc ça a donné le film là. C'est comme ça que... donc on s'est déplacé dans cette ville de façon latérale, comme ça, dans les espaces qui se libéraient dans un endroit, effectivement, où il n'y avait ni les syndicats, ni le patronat, donc dans une sorte de marge comme ça qui a fait que ce film a cette forme-là. Il y a une expérience qui est souvent citée, c'est l'expérience que vous aviez réalisée en Belgique, Brabant Wallon, qui apparemment a été une expérience aussi décisive, bon, qui a vraiment préparé aussi le travail à la fois collectif et l'expérience de la vidéo, ce que vous évoquiez avec notamment la formation de Ned Burgess. Ah oui, non, le Brabant Wallon, c'était un truc formidable. C'est avec l'école, l'Institut d'art de diffusion, il y a une promotion entière d'étudiants à qui Gatier a proposé d'aller au champ. Nous, on va sortir de l'école, on va s'installer en plein milieu du Brabant Wallon, dans une école désaffectée qui s'appelait Gottschin. Et puis, c'est au moment du plan Mansholt. Et donc, il leur a proposé, voilà, on va essayer d'approcher la réalité paysanne. Et donc, pendant un an, avec ces étudiants, ça a donné ce qu'on a appelé des pièces en quête, c'est-à-dire comme le définissait à l'époque le président Mao Tse-Tung, seul celui qui mène l'enquête a le droit à la parole. Et donc tout le monde est parti pour essayer d'avoir le droit à la parole, justement. Donc on a fait différentes pièces de théâtre comme ça, qui partaient de la réalité, que Gatier écrivait. Et c'était un groupe de 20 personnes. On a fini même une quarantaine à la fin. Et on a fait des spectacles dans plein de villages du Brabant Wallon. Et donc il y a eu... parce que beaucoup de choses ont disparu, mais il reste encore un film qui s'appelle, qui est le premier, tout premier qu'on a fait, tout premier, que j'ai fait avec Jean-Pierre Dardenne, qui était élève, qui était aussi élève à l'IAD. Il n'y avait pas Luc, il était encore à l'école, en seconde, et il venait nous voir. Et donc, on a fait ce qui s'appelle Hervé ou la solitude en quatre nationalités. Et donc, c'est... toute l'organisation du dramaturgique repose sur le fait que chacun des étudiants part enquêter à partir de l'idée de la mort d'un paysan breton qui était mort de solitude. Ils vont dans plusieurs fermes et à chaque fois, ils découvrent une réalité qui confronte avec la paysannerie du lieu où ils viennent. Parce qu'il y avait un Grec qui s'appelle Yanis Gavras, il y avait un Congolais qui s'appelait Félix Moulutama, il y avait... un garçon du Borinage, Loupi, et il y avait Manessier qui lui venait de Paris. Et donc voilà, c'est un manifeste de l'époque sur la liberté de faire les choses n'importe où. C'est que la mise en scène consistait à bêcher, à ratisser et à semer un carré de terre qui était grand comme la moitié de cette salle. Et donc on arrivait, il fallait qu'on trouve un lieu. Donc une fois qu'on nous prêtait un terrain, ils avaient quatre bêches et des râteaux et puis de la semence. Et ils bêchaient le truc comme ça pendant 2 heures. Et tout se passait comme ça. C'est un document assez aérien pour ça. C'est très très tôt, hein. Il faut peut-être rappeler les dates. C'est entre, enfin, en tout cas d'après ce qu'on a noté, ce serait entre septembre 72 et mai 73. Hein. Oui. Donc là, c'est vraiment très très tôt dans les années 70, cette expérience du Brabant Wallon. Et donc la vidéo était utilisée pour filmer ces pièces. De quelle manière elle était utilisée, la vidéo, dans ce La vidéo, elle a servi. Alors là, elle est... parce que donc on était un peu dispersés sur le territoire. En fait, la vidéo a servi de lieu de ralliement parce qu'on était dans un village à Bouzeval où la population était scandalisée parce que tous les chemins de traverse qui permettaient de circuler sur le territoire étaient bloqués. Et au milieu du pays, il y a le baron Solvay, qui est un industriel extrêmement puissant. Solvay, c'est la soude, comme on disait à l'époque. Et donc, il voulait qu'on filme des déplacements dans le paysage. Donc, je filmais, et puis après, on projetait sur la place du village, et les gens venaient, ils commentaient, on allait dans un autre... Et puis, peu à peu, il y a un sujet qui est arrivé sans qu'on l'ait pressenti, c'est qu'en fait, le maire avait mis en place un projet d'autoroute qui devait passer par Bouzeval, et qui devait l'aider à exproprier son pire ennemi, qui était un paysan flamand qui avait des cochons et qui voulait faire partir. Et c'est un magnifique paysan flamand avec 10 enfants, 500 cochons dans une très très vieille ferme avec des murs comme ça. Enfin, et donc, peu à peu, au fur et à mesure qu'on filmait, la dramaturgie du spectacle s'est construite autour de ça, c'est-à-dire qu'on demandait, dans le petit... à Noirat, qui était une petite ville ouvrière, enfin un petit hameau ouvrier, ils racontaient comment le maire leur avait donné des paires de draps pour signer l'expropriation. Enfin, il y avait, enfin, donc, il y avait une séquence vidéo qui était projetée dans le spectacle, et ça a été fini. Il y a eu une séquence vidéo qui était projetée dans chaque hameau, et ce qu'on appelait les pièces trajets, c'est-à-dire c'était la confrontation de la vidéo avec le héros de la vidéo qui était là sur place et qui disait non, ça c'est faux, ça c'est vrai, et les comédiens qui jouaient donc la séquence de l'ouvrier, de la femme de ménage, du paysan, etc. Donc ça, effectivement, c'est la vidéo qui a servi de lien, et tous les spectacles qui avaient été faits dans tout le Brabant wallon, dans des pays à gauche, à droite, ont été joués à ce moment-là au milieu de ces pièces trajets. Quelle époque! Pour Hélène, je pense que c'est important donc de préciser, pour Hélène Châtelain, que effectivement, elle s'agrège au groupe Video Out à peu près à la même période, donc fondée par Carole et Paul Roussopoulos, au moment en fait de l'affaire Pierre Auvernet, puisqu'elle va tourner avec Carole Roussopoulos une bande vidéo qui a été retrouvée récemment, qui est dans les fonds maintenant de la Bibliothèque nationale de France, mais qui mérite restauration. Donc Pierre Auvernet assassiné, bien sûr, en février 1972. Donc c'est une bande importante. Et plus tard, Hélène va évidemment tourner d'autres vidéos. Et notamment, elle fera l'image du film Ulrike avec Nadia Ringard en 1976, donc autour de Ulrike Meinhof. Et tu citais tout à l'heure le nom de Ned Burgess. Est-ce que tu peux peut-être repréciser un peu quel était son rôle? Parce que c'était un pionnier de la vidéo venant des États-Unis, qui avait ramené son porte-à-pack états-unien NTSC en France. Et il semble avoir initié énormément de personnes à la vidéo dans les années 70. Et malheureusement, il n'est pas venu pour l'instant dans le séminaire, mais on l'a invité à plusieurs reprises, mais il ne pouvait pas. Et il faisait partie aussi, enfin, il était chef-op. Donc, il vivait avec Brigitte Fontaine. Et il était assez souvent avec Paul et Carole, ça l'amusait, la technique de la vidéo et tout ce qu'on pouvait faire avec. Et il a été immédiatement très lié au mouvement féministe, en fait, puisque moi, très tôt, je l'ai vu, j'étais encore établi. Et lui, il venait de faire, avec une amie qui s'appelle Suzanne Fenn, le film sur les ouvrières de Troyes. Hein, c'est ça. Et donc, en mars 71. Voilà, c'était un moment quand même où le MLF était un peu raide. Et j'avais demandé, mais comment ça se fait que vous prenez Ned avec vous? Elles m'ont dit, mais c'est pas un homme. Donc, il avait vraiment toutes les qualités à l'époque. Et tu dis, il était chef-op, et effectivement, il avait fait l'IDEC, en fait. Hein. Donc, oui, puis il avait fait une formation aux États-Unis aussi. Daniel, hein, tu l'as eu comme camarade à l'IDEC. On était à l'IDEC en même temps. Il a fait toute la formation de l'IDEC. Je ne sais pas s'il avait fait une formation avant de jeu vidéo. En tout cas, il a fait sa formation à l'IDEC. Oui, il y a un autre aspect, enfin, il y a une autre source hein, du projet qui est aussi, au fond, une déception quant à un scénario qui s'appelait Les Katangais, apparemment, qui est notamment le rapport avec le Centre national de la cinématographie, un scénario qui avait été apparemment refusé et qui a aussi, au fond, expliqué l'origine du Lion, la cage et ses ailes. Dans les archives, on a pu lire que le Lion, c'est une phrase d'Armand Gatti, que Le Lion, sa cage et ses ailes serait un film défi au CNC, à la pré-censure, à l'industrie cinématographique et à la censure. Et alors, il a gagné. Le film existe. C'est-à-dire qu'il avait eu pas simplement les Katangais de refuser. Il n'a pas réussi à tourner son film sous l'affiche rouge dans les années 68-69, sur le groupe Manouchian, qui lui tenait beaucoup à cœur. Bon, on a réussi à le faire en vidéo, mais qui n'avait plus rien à voir avec son scénario initial. Non, il a eu plus, il a au moins 7 ou 8 scénarios refusés, dont un avec les félicitations du jury pour la qualité littéraire. Donc, c'était tout à fait en ordre. Donc, c'est, effectivement, il était, après l'éviction de Chaillot, plus la difficulté de monter des films au CNC, c'est vrai qu'il a... Le seul film sérieux qu'il ait fait dans la pré-mai, c'est en Allemagne, qu'il a fait Übergang, Über den Ebro, où là, il a fait un très beau film sur cette période. Donc c'est vrai qu'il a surtout travaillé en Allemagne. Il a pas... Je voudrais dire quelque chose, c'est que quand il vient à Montbéliard, Gatti, il n'est pas invité pour faire un film. Jean Hurstel l'invite pour écrire une pièce de théâtre sur le monde ouvrier. Gatti sort de son expérience berlinoise, marinoise, où il a été pendant 6 mois aux usines Osram. Et Jean Nourstel, qui avait son assistant sur un film en Allemagne, Hubert Gang, Hubert Denem, qui, quand, en tant qu'animateur du théâtre universitaire de Strasbourg, avait monté 2 pièces de Gatti, la deuxième existence du Comte d'Attenberg et La Cigogne. Donc, bonne connaissance comme ça de l'œuvre, etc. Et il dirige à Montbéliard le CAC de Montbéliard et il invite Gatti au départ tout seul. Voilà. Et après, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'argent, etc., etc. Mais il lui donne une somme, cette somme à partir duquel il va faire travailler Stéphane Gatti. Enfin, tout ça de manière fort modeste, grosso modo, un appartement et de quoi faire bouillir quelques pommes de terre avec un peu de lard. Mais c'est vrai que c'est au départ, c'est cette commande-là. D'où après, l'atelier de sérigraphie, un film de Vaude, etc., etc. Mais la commande de départ de Jean Nourstel, il sera évidemment d'accord sur la suite. Et il sera d'accord sur la suite aussi parce que très rapidement, il y a une femme qui maintenant, elle dirige Arte, qui s'appelle Véronique Kella et qui à cette époque-là est au fonds d'intervention culturelle. Elle représente le ministère de la Culture et Jean Nourstel présente un dossier au fonds d'intervention culturelle sur ce projet-là parce qu'il avait de l'argent mais pas beaucoup, je veux dire. Et elle récupérera, elle défendra le projet contre le ministère de l'Intérieur, ministre de l'Intérieur représenté par M. Poniatowski, enfin c'était pas lui personnellement, mais enfin le représentant, qui s'opposait violemment à ce qu'effectivement une bande du Luberlu un peu gauchisante aille perturber une bonne ville comme celle de Montbéliard, dont on sait quand même qu'en 68 il y avait eu quand même à cet endroit-là. Hein, donc voilà, c'est le contexte, et que c'est vrai que grâce à Véronique Kella, je la cite toujours parce que c'est vrai, Jean Nourstel obtient un petit fonds financier, la somme exacte je ne me souviens plus, mais qui permet quand même un peu de développer le film. Après tout le montage administratif du film, comment il récupère du matériel, etc. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est par exemple Henri Hinberg qui est un Belge, quand Gatti a été travaillé à l'IAD, Institut des Arts de Diffusion, dans laquelle il était directeur avec, le Belge, le comédien Armand Delcamp. Henri Hinberg nous obtient par un biais, je ne me rappelle plus bien lequel, je dois dire, un financement qui permet à l'équipe qui va faire le montage, à Stéphane Gatti et Hélène Châtelain, d'acheter une bande vidéo, enfin un banc vidéo, enfin même pas le banc complet, mais un IVC 1 pouce, et où ils vont travailler au chronomètre, ce qui est quand même une chose assez exceptionnelle pour de la vidéo. Mais effectivement, c'est une espèce de montage comme ça, et le final, ce qui fait d'ailleurs que l'Institut National de l'Audiovisuel est propriétaire à 30% des droits du film, la finale, c'est que il y a un directeur adjoint qui s'appelle Henri Delaparent, qui était un ami à moi de ma jeunesse, quand je militais à l'UNEF, qui était directeur adjoint à l'INA, fait venir le directeur de l'INA et projette dans un endroit que un certain nombre de gens peuvent connaître ici, rue Hippolyte Mindron, c'est là que, à cet endroit-là que le film se montait. L'épicerie, donc. Projette un élément du film. Et Henri Delaparent se souvient d'un petit détail, c'est que le directeur de l'INA était assis sur un fauteuil, un peu comme ça, sur lequel il avait 3 pieds. Et derrière, je ne sais plus qui, mais tenait le fauteuil pour qu'il ne s'écroule pas. Il a regardé le film, il a trouvé ça passionnant, et il a financé quand même en partie. Et ce qui fait d'ailleurs que dans la foulée, l'équipe de Gatti, etc., va pouvoir... Parce que le président de l'INA, c'est Pierre-Emmanuel, et dans la foulée, quelques temps après, enfin assez peu de temps après d'ailleurs, 2 ans après, l'équipe va pouvoir tourner dans les meilleures conditions sur un plan technique et économique la première lettre à l'île d'Abo. Alors c'est peut-être une question naïve, mais qu'est-ce qui a porté votre choix sur la vidéo? Pourquoi pas le 16 mm? Alors que l'expérience, enfin, le travail qu'avait mené Hélène Châtelain sur les prisons aussi, par exemple, était tourné en 16 mm. Armand Gatti avait une expérience aussi, tournage en argentique. Pourquoi la vidéo pour ce projet? C'est que c'est, je crois qu'il y a d'autres qui ont répondu avant nous. Godard a dit c'est difficile d'être un cinéaste 6 mois sur 3. Là, on avait quelque chose qui tournait tout le temps, qui était dont on pouvait faire qu'on ait de l'argent ou pas de l'argent. Et ça, on a commencé comme ça. On a commencé juste à ce moment-là. Et moi, j'avais fait avant de travailler avec Ned, j'avais fait juste de la philo. Je savais même pas ce que c'était que le 16. Enfin, je savais un peu, j'avais vu et tout, mais j'avais jamais manipulé. Donc ça s'est fait immédiatement et c'est vrai que c'est ce qui a été tout le temps décisif, c'est on pouvait faire tous les projets qu'on a fait depuis avec ou sans argent. Voilà. Et donc on a fait beaucoup avec et beaucoup sans. Tu dis effectivement dans un entretien que tu as donné à Nicolas Hatzfeld en 2007, et qu'on retrouve d'ailleurs dans le livret édité avec le coffret, que c'était effectivement des moyens entre guillemets anti-cinématographiques, mais que c'était une vraie libération des contraintes économiques, et que là vous pouviez être enfin dans une autoproduction totale. Concrètement, Gatti, tu l'as dit tout à l'heure, c'était vu essuyer un certain nombre de refus de la part du CNC pour un certain nombre de ce scénario, et donc, quelle était d'ailleurs sa réaction du coup face à cet outil vidéo par rapport au 16 mm, puisqu'il avait quand même tourné El Otro, Cristobal à Cuba en 35 mm, très peu de temps auparavant, avec Jean Charvin, avec Henri Alcan, etc. Donc, le passage à la vidéo, c'est quand même. Mais il a été préparé par le travail. Non, mais il a été préparé par le travail qu'on avait fait dans le Brabant Wallon. C'est-à-dire, au début, ça ne l'intéressait pas, puis il a commencé à regarder, puis il a vu que ça avait une. Que ça agrégeait les gens, qu'on projetait, que c'est un outil vivant, quoi. C'était pas un truc qui était sur une armoire où, pour commencer à tourner. Hélène, elle avait une caméra 16, si vous voulez. Et d'ailleurs, Hélène, elle est juste à la frontière. Moi, je suis arrivé juste après où il y avait que la vidéo, mais elle avait monté son camion pour aller faire un film sur les bords de l'Erdre, où elle avait équipé avec des amis à elle un J7 et dans lequel on pouvait filmer, on pouvait développer, et donc l'idée c'était Ziga Vertovienne, quoi. C'était hop, on va là où il y a la lutte et on projette immédiatement le résultat. Alors, c'est vrai qu'après, quand on a travaillé dans le Brabant Wallon, on a récupéré le camion vide avec toute l'architecture pour faire des bains, des machins, etc. Et c'est tombé obsolète immédiatement, quoi. Elle n'a pas eu le temps voilà, elle a vu que ça arrivait, que tout ça marchait, que c'était. Elle aussi, ça la libérait, quoi. Parce que faudrait qu'elle vous raconte, elle, la complexité du tournage sur les prisons. Pour voir, c'était pas évident, quoi, de faire un film 16. Et Gatti et Hélène Châtelain, dans un certain nombre aussi d'écrits des années 70, reviennent aussi sur cette idée qu'avec la vidéo, il y avait une possibilité de nouvelle écriture, la possibilité de faire exister un nouveau langage qui ne pouvait pas exister ni par le cinéma, ni par la télévision. Et Hélène Châtelain a une très très belle formule, je trouve. Elle dit que c'était un vrai pont où les personnes se trouvaient à part entière des deux côtés du pont. C'était comme un arceau de chair, comme un vaisseau sanguin. Le sang pouvait circuler. C'est-à-dire qu'il y avait comme ça une relation très particulière qui pouvait s'instaurer aussi, en tout cas selon elle, par la vidéo, et qui n'existait pas forcément de la même manière avec d'autres techniques argentiques. C'est quand même... Il y a des gens qui tout sautent, mais c'est vrai que le fait tout simplement de pouvoir projeter les rushs une fois qu'on a filmé, c'était pas un film où on a tourné et... En partie, après, parce que le montage a été très long à cause des conditions techniques dans lesquelles on l'a fait, donc ça a duré 1 an et demi, 2 ans. Mais au moment où on tournait, tous les soirs, on regardait ce qui avait été tourné, il regardait avec Gatti, il commentait. Donc c'est vrai que ça, c'était inouï. J'ai déjà tourné sur des films de 35, on attend les rushs. S'ils arrivent bien, qu'on est loin, puis de temps en temps, ils n'arrivent pas, ou il y a un problème de tirage, donc on s'aperçoit que c'est atroce. Enfin, il y a plein de choses qui font que le produit qu'on fait est totalement étranger aux personnes qui sont filmées. Donc, là où je suis tout à fait d'accord avec Hélène, c'est que tout d'un coup, il y a eu des désaccords sur ce qu'on a fait. Parce que c'était pas tout beau, tout joli. Il y avait, de temps en temps, ils pensaient, eux, qu'on allait faire un vrai film, que ça va être en technicolor, etc. Et donc, quand on a projeté les films de Montbéliard dans la grande salle On était au Transfo, enfin, non, c'est pas le Transfo, c'est non, à là-bas, à la Chiffogne, notamment le Yougoslave Radovan, qui avait beaucoup investi dans le film, il est parti en claquant la porte. On l'a cherché pendant 2 jours, on l'a retrouvé ivre-mort, caché dans une armoire. Et il dit, ça va pas du tout, vous m'avez trompé, moi, un film avec Sylvana Mangato, c'est un film, c'est pas ça là, qu'est-ce que vous avez montré? On ne voit même pas en train de défoncer les portes, enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous croyez? Alors, on était tous consternés, parce que c'était un... Comme il était tout seul, c'est un film qui avait demandé énormément de travail en plus, de mantitrage, de documents, etc. Beaucoup d'écriture en plus de la part de Gatti. Donc finalement, on a la seule solution qui a été trouvée, c'est qu'il écrit une postface, Gatti, avec lui, en disant, voilà, il faut que tu dises, voilà, pourquoi tu ne te reconnais pas du tout dans ce film. Et donc, on l'a tourné à ce moment-là, on est allé chercher le matériel, on a tourné, et donc le film se finit par Radovan, comme Nicolas le racontera beaucoup mieux que moi, c'est que quand même les films de Montbéliard, c'est une stratégie pour donner la prise de parole aux autres. On a été cohérents jusqu'au bout, enfin, je veux dire, jusqu'au dernier moment. Ah non, ça va, eh ben, alors tu vas dire que ça va pas. Voilà, donc c'était une pose de position radicale qui a été tenue de bout en bout. Donc c'est ce sang comme ça qui ça circule, ça recircule, on ramène, on peut encore retoucher, c'est jamais fini. Et en même temps, Radovan Mihailovic, ce film il sera projeté un peu en endroit. Quand il est projeté en Belgique, personne d'entre eux peut y aller. C'est Radovan qui va y aller et qui va défendre magnifiquement le film.